pendant qu'il fait jour à New York, quand il est 18h à Paris et qu'il pleut. Je crois que t'as... Non mais je crois que t'as pas tellement compris. Oh là là là là là là là là là. Non mais tu, hey, tu vas commencer à foutre de ma gueule là ou quoi? Il y a Brel, là. Fildar, Susboul. Je te prends, prends. Oh! On se calme. Si on vous sélectionne, c'est pour participer au débat. Si vous voulez pas participer, ça sert à rien qu'on vous sélectionne. C'est clair et net. Clair et net. Hey, tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Non, mais quand vous allez arrêter de finir votre connerie, maintenant, vous allez peut-être reprendre le débat correctement. Oh, vous fermez votre gueule ou quoi, là, maintenant? Oh, excuse-moi. Oh, ta gueule, toi, connard. Tu le fous, salope. Excuse-moi. Oh, tu la fermes, salope. Je te prends, tu réponds. Enculé-moi. Tu t'écrases, la poufiasse. Gérard, arrête. Mais moi, j'ai l'ongle. Ma chatte. Quand vous avez fini de foutre de foutre de ma gueule, là. Allez. Enculé-moi. Oh, enculé-moi, j'adore ça, moi. Balance-moi un god. Oh, balance-moi un god. 9900. On va battre leur corps, je le sens, les gars. Oh oui. Grâce à Sandy. Putain, mais. Man, Fildar, tu commences à me casser les couilles, sérieusement. C'est pas de la faute de Fildar, mais t'es mon pote de fun. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Non mais attends, celui qui s'amuse à dire j'enfile ton cul, je l'emmerde. Ah oui. Ta gueule, ta mère à ton merde. Ah oui. Parce que là pour l'instant vous êtes deux PD en train de me faire des conneries. Ah, c'est moi. Ouais, ben le mieux c'est de voler dans un sac à main.